The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Summer. L'été. Hot. Chaud. Today. Aujourd'hui. Ice cream. La glace. Scoop. La boule. Now, a bit faster. Ice cream. La glace. Scoop. La boule. Today. Aujourd'hui. Scoop. La boule. Ice cream. La glace. Today. Aujourd'hui. Ice cream. La glace. Today. Aujourd'hui. Scoop. La boule. Summer. L'été. Today. Aujourd'hui. Now, use the words in context. L'été. Summer is a beautiful season. L'été est une belle saison. Chaud. It isn't hot. Il ne fait pas chaud. Aujourd'hui. It's summer today. Aujourd'hui, c'est l'été. La glace. I want a vanilla ice cream. Je veux une glace à la vanille. La boule. Two scoops, please. Deux boules, s'il vous plaît. L'été. Summer is a beautiful season. L'été est une belle saison. Chaud. It isn't hot. Il ne fait pas chaud. La glace. I want a vanilla ice cream. Je veux une glace à la vanille. La boule. Two scoops, please. Deux boules, s'il vous plaît.